En terminant, les gens de Lévis auront une alternative à Gilles Lehoulier dans la course à la mairie qui aura lieu à l'automne, dans l'élection municipale. Il semble que le PDG du Marathon des Deux-Rives, Denis Terrien, va se présenter à la mairie de Lévis. Il aurait l'appui d'ailleurs de Daniel Roy-Marinelli, qui n'aurait pas digéré que Gilles Lehoulier prenne la tête de son parti à elle, alors qu'elle a annoncé son départ de la vie politique. L'excellent Gilles Lehoulier, qui méprise les résidents de Lévis, ou en tout cas, une grande partie des résidents de Lévis, ceux qui écoutent Radio X. Merci beaucoup, M. Lehoulier. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Et je vous écoute le matin, et pour moi, c'est l'émission la plus reposante le matin, je vous le dis en passant. Reposant dans le sens suivant, c'est que moi, j'aime une radio où on peut écouter on sent pas que c'est polluant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous comprends. Je pense que plusieurs de nos auditeurs qui vont être d'accord avec vous. Je vous remercie, M. Lehoulier. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se sentir un petit peu vexés, oui, moi. Je pense que ça va faire du bien d'avoir une alternative à M. Lehoulier. Ça doit surprendre. Là, tu donnes une entrevue à Radio-Canada, puis là, t'en réentends parler. Dis, voyons, y a-tu du monde qui ont écouté ça? Ouais, c'est parce qu'on la spin. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Dis ça de même. Grosse sortie, mon Gilles. Ouais, celle-là, ben regarde, faut que t'assumes, madame Vie. Bien calculé. Assume, mon vieux. Ouais. 8h16. Les sports.